BPM, tout ça. Vache, n'importe. Ça, c'est toi choisi. Je t'entends doucement là. Thank you. T'as beaucoup de latence, mec. Tu as réglé les... Les préférences dans les dans audio configuration, option de Ninja. Thank you. dose de points sur les i, toi, apparemment, aujourd'hui. Je pense que t'es OP, là. Ben, moi, je te dis, tu prends sur toi. Tu fais comme moi. Ok ? Oui, mais je m'en bats les couilles. Toi, t'es là tous les jours. Je prends sur moi tous les jours. Ben, tu prends sur toi un jour. Pourquoi ça me casse pas les couilles, ta télé ? Pourquoi ça me casse pas les couilles que t'es un handicapé ? Qu'il est handicapé ? Je prends sur moi. Des milliards de fois qu'on est obligé de te répéter des milliards de fois, t'as d'autres solutions ? Que j'ai en lui en rentrant. C'est tout. C'est tout. Non, mais c'est tout. C'est tout. problème, c'est le soleil. Ok. Je m'en bats les couilles de. Tu vas pas te dire d'en aller un âge, tu vas pas d'en aller. Tu fais mes bails, ok. Le soleil. Donc j'ai pas de problème. Toi, apparemment, t'en as des milliards de problèmes. Toi, apparemment, tu vas lister des problèmes. Donc écoute, j'ai dit la solution où tu travailles, que je travaille, c'est mort. En fait, c'est une solution que tu ne peux point envisager. Qui est bannie. Tu vois, qui est terminée. J'ai fait mon temps. Ok. Il y a des milliards d'autres solutions. Ok. Comme je t'ai déjà expliqué un milliard de fois. Ok. Mais j'en ai ras le cul de le répéter. Ok. Donc, peut-être que si je me casse, tu vas comprendre les choses. Ok. Donc, tu feras des coups tout seul quand tu t'émerderas. Et comme ça, tu n'auras pas d'excuses pour ta vie médiocre et de merde. Ok. Parce que là, ton excuse pour ta vie de merde, c'est moi encore une fois. Et tu me fatigues. Ok. Tu me fatigues. J'ai pas le temps. Si ta vie c'est ta merde et que t'es pas content, ben, tu t'énerves. Tu fais tes choses. Tu fais le dernier milliard de fois, tu peux rien faire. Tu apparaît dans la passivité et reprocher aux autres que c'est de ta faute qui t'arrive des problèmes. Écoute, j'ai pas le temps, c'est bon, j'ai assez donné. Je peux pas répéter encore une demi-minute, une minute, deux fois, une chose, c'est pas à quoi. Mais tu comprends pas. On te répète deux mille fois la même chose. Bon, quelque part, écoute, il faut se dire que quelque part, je pense que quelque part, c'est fait. Les jeux sont faits, les dés sont jetés. Ok? Quand on te répète 10 fois la même chose, après on te répète 20 fois une autre chose, après on te répète 30 fois une autre chose, après on te répète 10 fois encore une autre chose. Moi, tu peux dire qu'on peut, on peut essayer de répéter la même chose, parce que peut-être que ça va changer. Et là, ça fait plus de 2000 fois. Minimum une fois par semaine. Minimum. Ça va. Bon, une semaine pile, je ferai jeudi une semaine. Voilà, tu vas t'aider encore. Seul et tout ce que tu auras, ce sera tes parents. Tu vas le délire ou quoi? Et tes parents, ils sont pas les coups. Ils vont te voir chier vite fait. Et ils sont pas les coups. La seule responsabilité à ton malheur, ce sera pas moi. Et tes parents, tu vas dire, ah, c'est ta faute, Mais avant tout, c'est de la tienne. Avant tout, c'est de la tienne. T'es responsable de ta vie, entièrement. Ça, je te l'ai déjà répété, je t'ai même vu des trucs. Je peux pas te répéter encore un milliard de fois. Tu vas pas dire aux gens, ils sont plus faciles, surtout toi, tes parents, t'es pas en mesure de te dire ce que tu dois faire. Je te remercie. Je te dis pas ce que tu dois faire, malgré que j'aurais bien envie et que ça serait positif, ça serait. Voilà. Je te dis, donc tu manges que pas en sorte de conseils. Tu vois, je te dis pas ce que tu dois faire. Et tu les écoutes pas, ils sont pas les couches plus sur moi encore une fois. Tu vas le délire ou quoi? Tu vas pas me donner des conseils, tu vas pas me dire encore moi ce que j'ai fait. Ok? Je te remercie. Je te dépends de dessus. Ok? Moi, juste que je dois à l'heure actuelle. Thank you. Si t'as un peu perdu, quelque part ça prend un peu.